Si votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional, on va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'il y a dans la section entrevue de DanRadioSport.com, on a fait le bilan de l'année de la Véloroute WA. On dit que 251 000 visiteurs ont visité, ont roulé cet été en 2018 sur la Véloroute WA. En entrevue sur les ondes de DanRadioSport.com, Cheryl Gravel, évidemment, a mentionné que la belle saison qu'on a connue, ça n'a pas eu une influence si grande sur l'achalandage. Toutefois, je peux pas dire qu'il y a une augmentation, les augmentations ou les chiffres de fréquentation sont pas mal comparables à chaque année. Toujours, soit une légère augmentation, parfois il va y avoir une légère diminution. Mais il faut, les gens organisent leur voyage en avance. Donc, c'est important de considérer que, en fait, peu importe la température, il y a toujours des gens là, qui fréquentent la Véloroute des Bleuets. Les gens commencent à organiser leur voyage parfois lorsqu'on parle de l'extérieur du Québec, commencent à organiser leur voyage même avant le congé des fêtes. Ouais. On peut se douter là, qu'on n'a pas une grande idée là, de quelle va être la température. Là. Et Cheryl Gravel a mentionné dans un deuxième temps que du côté de l'achalandage, il y a 36% des gens qui proviennent de l'extérieur de la région. Je regardais les chiffres dernièrement. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que 36% des utilisateurs de notre circuit cyclable font un tour complet du Lac-Saint-Jean lors de leur visite. Hey, c'est bon? Si on considère que 70% des visiteurs font du vélo de type récréatif, donc nous, on fait la promotion de 4 types de vélos. Okay. Récréatif, sportif, cyclotourisme et puis le vélo de montagne. Okay. Donc, il y a 70% des gens qui viennent sur notre circuit cyclable qui sont de type récréatif, ce qui veut dire que ce sont majoritairement des familles. Ça veut dire qu'un gros pourcentage de familles vont vraiment faire le 256 km qui est le tour complet du lac Saint-Jean. Fait que ça vient aussi nous démontrer qu'on devient un levier important au niveau touristique, puisque, ben, évidemment, là, ça va amener les gens à aller au restaurant, les gens à dormir là, dans les différents hébergements et à visiter les différents attraits. On a également fait le bilan de la saison des Cougars de Chicoutimi, une saison très, très décevante. Et l'instructeur-chef du côté des Cougars, Nick Malachi, évidemment, ça dit très, très déçu de la saison. Absolument. C'était, je veux dire, de base, c'est l'objectif de la plupart des équipes, c'est de se rendre jusqu'en série éliminatoire. On n'avait pas une équipe pour se faire sortir des séries. On a connu quelques problématiques à certaines positions, certaines blessures qui nous ont amenés à revoir certaines stratégies et certaines situations. Malgré tout ça, c'est pas une raison, puis c'est pas une défaite. On aurait quand même dû faire les séries éliminatoires. On s'est compliqué la vie toute l'année, je veux dire, en commençant par le match contre Rimouski, le match contre Alma qu'on a perdu. Puis au final, ben, la Pocatière, on joue un meilleur match que nous samedi passé. Puis c'est eux qui sont en séries éliminatoires. Puis ils le méritent, ils ont connu un bon match, donc je leur lève mon chapeau. Mais nous, on n'a pas performé à la hauteur de nos attentes pas mal toute la saison. Ben Nick, est-ce que, moi je me rappelle du début, dans le deuxième temps, Nick Menachi a mentionné évidemment qu'il a mentionné que la blessure aux carrières a fait mal aux Cougars de Chicoutimi. J'ai signé Jérémy Villeneuve, qui était notre homme de confiance, qui était un carrière que j'avais recruté dans ma première année aussi, qu'on avait transféré comme receveur. Un gars super intelligent, un gars stand, un gars qu'on avait beaucoup d'espoir en Jérémy. Jérémy s'est blessé au bras pendant le début du camp. Okay. Donc, on a perdu notre carrière tout de suite en commençant la saison. Donc, c'est sûr que ça devient automatiquement plus difficile. Ça devient plus difficile pour nous d'évoluer là, sans carrière. Donc, Tommy Plamondon et Robin Loiseau ont pris le flambeau, mais c'était pas prévu que ce soit eux qui soient sur le terrain. C'était prévu que ce soit Jérémy Villeneuve. Donc, ça explique un peu là, certaines problématiques qu'on a eues à ce niveau-là. Parce qu'au niveau terrestre, au niveau sol, je veux dire, on a gagné des verges sans bon sens avec Jimmy Larouche-Joubert et Alexis Boulanger. On a gagné des verges. Donc, première moitié de la saison, les équipes ont subi ces situations-là. Sauf que deuxième moitié de la saison, les équipes se sont ajustées. À un moment donné, ils ont fini par réaliser qu'on avait de la difficulté à lancer dans les zones profondes. Donc, les équipes ont ajusté le stratégie en conséquence, puis ça a été devenu... Dans un dernier temps, Nick Menachi a mentionné qu'il n'a pas peur pour son emploi avec les Cougars. Les gens ici du Cégep veulent passer à autre chose. Je veux dire, moi, je vis avec leurs décisions. Je vis très bien avec tout ce que je fais. Je veux dire, tu sais, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont externes à nous. C'est des gens qui n'ont aucune idée. Est-ce que ces gens-là sont au courant de la réussite qu'on a au niveau scolaire dans le Cégep? Est-ce que ces gens-là sont au courant? Probablement pas. Est-ce que les gens sont au courant de tout le travail que je fais à l'intérieur de Cégep avec ces jeunes-là pour les accompagner? Je veux dire, jusqu'à preuve du contraire, moi, quand j'ai été engagé, on ne m'a pas demandé de gagner des bols d'or, on m'a demandé de diplômer des jeunes. Okay. C'est ce que je fais année après année. On a un taux de diplomation qui est très haut. Ouais. En ce moment, je suis en discussion avec le Rouge et Or, je suis en discussion avec plusieurs équipes universitaires pour mes joueurs. Donc, que j'ai gagné un bol d'or, que j'avais pas gagné de bol d'or, que j'avais fait les séries ou que je me sois fait expulser, ça ne changera pas que le travail qu'on fait ici à l'interne, c'est former des joueurs, c'est former des étudiants athlètes qui vont avoir leur diplôme. Donc, les Wizir puis les Ragots qui viennent de la gauche puis de la droite, de toute façon, ils viennent toujours de la même place. Ah ouais. Okay. Ils viennent toujours de la même place. Okay. Mais c'est quoi? Rendu là, moi, je vis très bien avec ce que je fais ici depuis 3 ans. Est-ce que je ne vais pas changer des choses? Oui, ben c'est ça, c'était ma prochaine question. La question, c'est oui. Oui, je ne vais pas continuer de faire les mêmes affaires nécessairement, mais est-ce que je me sens mal par rapport à quelque chose? La réponse, c'est non, pas du tout. Non, OK. Est-ce que tu vas changer du monde? Le mois d'octobre est terminé. La Ligue du Lac-Aux-Fleurs a fait connaître ses joueurs offensifs et défensifs du dernier mois dans la Ligue. Donc, pour le joueur offensif, il s'agit de Alexandre Larouche. Donc, Larouche a marqué 6 buts, donc 2 tours du chapeau contre le MGA Express de Saint-Félicien et contre le Métis concessionnaire. Il a amassé également 2 passes, donc il vient de Charlevoix. Et le joueur défensif, c'est Pierre-Olivier Nau, qui a amassé 4 passes lors des 4 matchs du multi-concessionnaire. Je termine avec un résultat d'Atome. Ça s'est déroulé au cours des derniers jours dans l'Atome A. Verdict nul de 2-2 entre les Éperviers du Lac-Saint-Jean et les Hurricanes de Robertval. Je l'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec plusieurs intervenants du monde du sport. Marc Fortier vient nous parler de l'actualité dans la Ligue nationale. On s'est également entretenu aussi avec Nick Menacci, l'instructeur-chef des Cougars de Chicoutimi. Cheryl Gravel vient nous parler dans un dernier temps de la véloroute des Bleuets. Le sport local et régional à danradiosport.com. On s'en occupe.